بسم الله الرحمن الرحيم. أسألك عن كلمات التربية الإسلامية أو الآداب الإسلامية. كيف تقول recommencer, reprendre؟ استأنف. استأنف. خفض يخفض. بس. صمت. Le silence. Comment tu dis lever la voix? إرفع صوتك. إرفع. إرفع. C'est quoi le contraire de الأمانة؟ الخيانة. ما معنى الخيانة؟ الخيانة. طيب. Comment tu dis faire de la place? أمسح. أمسح. مسح tout ça, ça veut dire effacer. أمسح serait faire effacer. Ok. أمسح. فصح وأفصح. أفصح يفصح. أفصح c'est ça le mot? Et moi je dis quoi? J'ai un mime. Non, t'as mis une chute d'assaut. Ah, okay. Non, le marnat est très rare. طيب الأسئلة. ما الموضوع الذي استأنف إبراهيم ويوسف الحديث عنه؟ Sujet qu'ils ont repris. الآداب الإسلامية. ماذا يفعل المسلم عند الكلام؟ يحفظون يحفظون صح؟ المسلم قال مثلا المسلمون المسلم يحفظ صوته يحفظ صوته ويقول ويزمي يخفض ويخفض يخفض ما شكوني با كسر شكوني كنت فتحة نعم بتت يا Des fois, tu as différentes lourades. Dans un verbe, tu peux dire kasra ou fatha, ça arrive. Tu as des verbes, ils ont différentes harakat. Juste moi, je connais khafada yakhfadu. Ouais, c'est ça qui m'est, je crois. Yakhfadu, yakhfadu sauta, wa yakoulu khayran, wa yakoulu khayran, aoul yasmout. Aoul yasmout. Kifa yatakallamu l'insanu izé ghadib. Yarfa'u sauta. Maza yafalu l'muslimu izé ata majlisa. Yusallim alal. على الحاضرين قبل الجلوس وإذا حضر من يريد الجلوس معه فليفسح له مكانا نعم ماذا يفعل المسلم إذا قابل مسلما في الطريق يسلم عليه ماذا يجب على الإنسان إذا أعطي أمانة أن يحفظها هل للأكل والشرب آداب أذكرها نعم ما ذكروا آداب الشرب؟ نعم ما ذكروا نعم للأكل للأكل نعم لا يأكل إلا طيبة ويبدأ الأكل بسم الله ويأكل بيمينه ومما يليه ثم يحمد الله حين ينتهي يحمد الله أوي. يحمد الله حين ينتهي من الطعام. هذا الشرب سيكون كم أدب من الشرب؟ تبدأ بالبسم الله كذلك. أيوة. تشرب بيمينك. تشرب بيمينك. لا تتنفس في الإناء كما جاء في حديث أبي قتادة. تشرب في الغير. واسبيون. وتشرب. ثلاث مرات. C'est besoin de plus plus mais tu coupes. C'est pas tu fais comme les gens ils font une seule descente et après ils sont essoufflés comme chien disait on dit il a monté une montagne. Il a bu un verre d'eau, il a fait une séance de sport. Il a dit là, mais tu respires pas dans le récipient. Dans le verre. Okay. Vous avez 50 ans de zoubab, fichurab, qu'est-ce que tu as fait Alex, hein. Tu as une bouche et tombe dans ton verre, qu'est-ce que tu fais Tu appuies bien pour que les deux ailes restent dedans, après tu la sors. Tu la plonges et après tu la ressors. Car comme le Nabi sallam, il fait Ahad et Jinahi. Da ou fil akhar shifa. Il y a dans une de ses ailes un poison, un mal, et dans l'autre il y a le remède, l'antidote. Non. Mais t'es pas obligé de boire. T'as déjà vraiment trop écuré, ils boivent pas. Mais en tout cas, c'est pas elle tombe dans ton verre et tu la jettes. Tu la plonges d'abord. Dans le hadith, beaucoup de gens, akalaniyoun, maqabilou. Ils n'ont pas accepté ce hadith. Ils n'ont pas compris. Je parle même parmi les musulmans. Hein. On a plein de hadiths, ils vont discuter. Parce que pour eux, c'est pas possible. Qaddamou l'aql ala nusus. Voilà, khata. Aïe, aïe, wa. Maza kana yajhalou Ibrahim. بعد هذه الأداب ما واجب يوسف وإبراهيم بعد أن عرف هذه الأداب أن يعملان بها On l'a pris. Ah ouais, il n'y a pas de le nun. Qu'est-ce que tu as dit? An ya'mala. An ya'mala. Ah ça. An ya'mala biha. Naam. Ah oui, c'est vrai. C'est le nun, c'est ça? Naam. C'est le nun de... Alamatu nusbi haf min nun. Ma jazaw khiyanat al-amana. Non, il y a un fil nas. Naam, pas dans le texte. Ah, il y a un charron haram. Azimu kabira, mon kabira. نعم أسئلة وكسيون كان يتحدثان عن صفات المسلمين فكل كسيون في بابك عما كان يتحدثان إبراهيم تصور شفع عندي إبراهيم ويوسف عيد commence la phrase qu'est-ce que tu as écrit toi j'ai mis ça yatahaddathani Ibrahim wa Yusuf voilà tu as raison et tu as tort en fait je me suis dit mais tu as plus tort que raison je me suis dit quoi yatahaddathani al-alif c'est l'ul-fa'il yatahaddathani donc s'il y a le alif tu ne peux pas dire Yusuf derrière. Ah ouais. T'as pas de verbe, t'as pas de sujet. Donc maintenant tu veux dire Kana yatahaddath Ibrahim wa Yusuf. Ou alors tu dis Kana yatahaddathani Thumma. Tu donnes la phrase, tu donnes pas de fa'il. Le fa'il c'est le alif. Khalas, il est déjà là le fa'il. Maintenant, il y a une permission qui existe, mais c'est une loura al qalila qui s'appelle loura akaloni al-bara'if. C'est fou. Elle existe cette loura, mais elle est qalila jiddan. Après, il y a de la niyalob particulière. Bah, c'est un autre sujet. Mais le asl, c'est que tu aurais dû dire Kan yatahaddath Ibrahim wa Yusuf. Ou sinon, Kana yatahaddathani an al-adab islamiya. Naam, le tariq adab. J'ai pas compris. Cette phrase. Très facile. Naam, le tariq adab. Je ne sais pas quoi. Naam, le tariq adab. D'où la complication. Très simple. C'est-à-dire quoi, l'état adab? Est-ce qu'il y a, là, il y a un point à avoir pour le chemin? Ah! Comme les choses, vous voyez l'acte, le tariq. Ah ouais! Ok. T'es parti, je ne sais où? Ah, d'accord. Non, c'était juste devant toi. Il est radiable l'insano, rafa'a sauta. Ok, il y a ta kalam l'ins, l'insan, il est radiable. Non. Il est ataïta majlisan, fa sallim ala l'hadirin. Mada yafhan? ماذا يفعل المسلم إذا أتى مجلسا؟ نعم ولا الجملة الصحيحة أم الجواب غير سديد قال إذا أتيت أنت وما قال إذا أتى المسلم c'est faux le truc là ta phrase est correcte mais t'as pas répondu t'as pas donné la bonne question il dit إذا أتيت أنت si tu viens toi okay. Il a pas dit si le musulman vient d'accord ok donc okay, tu dis okay. ماذا تفعل أيوة ماذا تفعل إذا أتيت مجلسا أحسنت الأمانة هي حفظ حق الآخرين ما هي الأمانة؟ نعم تؤدي الواجبات دون تأخير j'ai pas compris je me rappelle plus تؤدي ça veut dire quoi tu accomplis tu fais ok ça veut dire tu accomplis les obligations sans retard sans tarder sans les repousser. كيف تؤدي الواجبات؟ كيف تؤدي الواجبات؟ تؤدي الواجبات دون تأخير. Après, يجب على الإنسان أن يأكل مما يليه. ما هو يجب على الإنسان؟ ما هو؟ ماذا؟ ماذا وما؟ تجي ماذا وما؟ ما يجب على الإنسان وماذا؟ أما هو ما تجي؟ ما يجب على الإنسان عند الأكل؟ عرفت كثيرا من الآداب الإسلامية في هذا الدرس. أين عرفت هذه الآداب؟ الأولى حين يطلبونها أمومو إلى دموند. ماذا كتبت؟ هذه مسكة تأسي إن شاء الله. ذكر الفوائد حين يطلبونها. نعم. Ensuite, الأمانة يجب حفظها. نعم. Ensuite, لا يأكل المسلم إلا طيبا. نعم. Ensuite, المسلم يقول خيرا. عرفت المحل الفخيرا. المسلم يقول خيرا. Ensuite, rien, j'ai. Je peux changer le mot? لا. Comment change le mot? Non, mais je vais remettre un alif. Elle, tu veux dire? Ouais. Non, tu peux mettre elle si tu veux. حرم الله علينا الخيانة. نعم. طيب. Après, il y a ترتيب الجمل, كذا. On a autre chose, ou c'est fini? Un عشر, il y a pas? Je m'en rappelle plus. Je sais pas. Donc, profite d'Ers, elle te dit. الدرس السابع عشر. لسيتم درس. النهر. النهر كيف دير لو فلوف. كلمات الجديدة. تجمع يتجمع. سيسو ريوني واسمبلي. من كلمة جمع. السحب تجمع سحاب كيف دير نواج. السماء معروف السيل. سار يسيل سيكول كولي quand dit couler l'eau qui coule pas quelqu'un qui coule dans l'eau c'est quoi ça yasil couler c'est couler al jibal jam jabal montagne al maya c'est le pluriel de ma c'est les eaux al wadiyan c'est le pluriel de wadi qui est al-wadi, c'est une vallée. Buhayratun, c'est un étang, un lac. Une grande étendue d'eau. Faza yafizu, c'est la même chose que sa yasilu. Versé, on peut dire plus versé. Faza yafizu, c'est plus versé. Non, verser de l'eau, verser quelque chose. Kawwana yukawwinu, c'est former quelque chose. Non. Jara yajri, à la base c'est courir. Et là, quand on parle d'un fleuve, c'est l'écoulement du fleuve. Majra, c'est le courant du fleuve. As-suhul, c'est la plaine. Les plaines. Manbaun, je ne sais pas comment on dit en français, c'est là d'où sort le fleuve. La mer. Là, il se jette dans la mer. Subhanallah, t'as oublié ça déjà. Le fleuve se jette dans la mer, mais de là où il. Là où il jaillit. Je sais plus comment. Son nid, non ? Jamais su. Non, le lit, c'est là où il s'écoule. Jamais su. J'ai oublié, en tout cas, de là où il vient, de là où il sort. Masabun, c'est là où il se verse, donc dans la mer. Dans la mer ou dans l'océan ? C'est pareil, je crois. Dans les deux ? Parce que c'est plus grand. Dans les deux ? Je sais pas. Non. La géographie, on a oublié. Ça y est. Ça a Coran, Inch'Allah, ou Tarjim. نعم. تتجمع السحب في السماء. كلي نواش وعصمنا للسيل. ثم تنزل الأمطار على الجبل. ensuite les pluies tombent sur les montagnes. وتسيل منها المياه إلى الوديان. puis les eaux s'écoulent dans les vallées. ثم تتجمع هذه المياه. puis ces eaux se rassemblent. وتكون بحيرة واسعة. et informe un grand lac. Thumma yafidhu ma' al-buhayra. Puis l'eau de ce lac se verse. Wa yajri 'ala al-ard allati hawlaha. Quand il se verse, plutôt elle s'étend. Et puis se met à couler sur les terres qui sont autour justement de ce lac. Wa yukawwinu nahran tawilan, et forme un long fleuve. وتحمل مياه النهر ما تستطيع من النباتات. C'est que ce fleuve emporte ce qu'il peut comme plantes et végétation, on va dire. والأحجار والطين. ما هو؟ أين عطر؟ إذن هذه كلها. بعدين إن شاء الله. نزيك الأخ. Donc elles emportent ce qu'elles peuvent comme plantes et comme terre. Et autre chose, parmi les choses qu'elle rencontre dans son parcours. Quoi. Le fleuve, tout ce qu'il rencontre dans son parcours, il prend avec lui. Quoi, en fait. C'est ça qu'il veut dire. Voyager le nahr fi suhul wal wudyan min manba'ihi ila masabbihi. Et que le fleuve court dans les plaines, se verse dans les plaines, traverse les plaines et les vallées depuis sa source jusqu'à là où il se jette. Wa yasqi an-nabat wal-hayawana aw al-hayawan wal-insan, et qu'il abreuve les plantes, il y a la rose des plantes, ainsi que les animaux, ainsi que l'humain. Wa haynama tufakkiru fi hadha an-nahr wa fawaidihi wa kayfa tukawwin nafkuru qawlallahu ta'ala. Et au moment où nous réfléchissons justement sur ce fleuve et ses avantages, et comment comment il se forme, on dira comme ça, nous nous rappelons la parole d'Allah où il dit Wallahu alladhi arsala riyah fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fahyayna bihi al-ard ba'da mawtiha kadhalika an-nushur. Alors, ça soit là, il dit, Allah est celui qui envoie les vents qui font monter les nuages, puis nous le guidons vers une terre morte, aride, que nous faisons revivre, par laquelle nous faisons revivre le sol après sa mort, et c'est de la même façon qu'aura lieu la résurrection. Non. Faïd. الأسئلة ماذا يحدث لماء البحيرة إذا فاض؟ Qu'est-ce qui se passe avec l'eau du lac lorsque elle se verse? Elle se verse, elle s'étend. ماذا تحمل مياه النهر؟ Qu'est-ce qui transporte les eaux du fleuve? أين يجري النهر؟ Où est-ce que le fleuve court? Un autre mot approprié, je ne l'ai pas en tête. ماذا تسمي Bidayat al-Naha, comment tu appelles le début du fleuve? C'est-à-dire là où il sort. Le mot il est en arabe, il est là. C'est le mot que je n'ai pas trouvé en français d'ailleurs. C'est sa source, mais. C'est tout ça. Hein? C'est tout ça le. La source, ouais. Parce que la source en même temps, une source, c'est un petit ruisseau. Mais moi je connais la source du fleuve, quoi. Comment on dit un nid aussi? Comment on dit un nid aussi, le nid du fleuve? Comment on dit un nid? Comme pour l'oiseau. Comment on dit un nid? ما فوائد النهر؟ Quels sont les fruits du Nahar? Qu'est-ce qu'il apporte comme avantage? كيف تتكون مياه البحيرة? Comment est-ce que les eaux du lac se forment? طيب, là on va faire le premier نموذج. يقول بين قوسين المياه بحيرة واسعة. Donc on a المياه, les eaux, et après à côté بحيرة واسعة. tu es devenu tatajamma. Non, c'est tatajamma. Je ne sais pas pourquoi c'est une khata. Tatajamma'u hadi al-mayahu wa tukawwinu buhiratan wasi'atan. Que ces eaux se rassemblent et forment un grand lac. Tafal nafs shima'a allati tahtaha al-kalimatu jumlatan mufida. تتجمع هذه الكلمات وتكون وتكون جملة مفيدة. نعم. السحب النواج. تتجمع هذه السحب وتكون أمطارا كثيرة. نعم. في نواج رسمي. فندى beaucoup de pluie. المنازل مدينة جميلة. Les maisons, une belle ville. Tatajamma'u hadhihi al-manazil wa tukawwinu madinatan jamilatan. Non. Al-azhar manzaran jamilan. Les fleurs, une belle vue. Tatajamma'u hadhihi al-azhar wa tukawwinu منظرا جميلا جميلا جميلا. نعم. طيب ثم عندنا تسيل, عندنا تتجمع, عندنا تفيض, عندنا حملة, عندنا منبع, عندنا تجري. تمام. الان فوليمات الاخلاص. اولا النهر, النهر نهري اكثر ارتفاعا من مصابه. Que du fleuve est plus haut que sa source. Manba. Non, manba. Oui. Que, en fait, c'est pas sa source, c'est là où se, là où se jette. Que la source du fleuve est plus élevée. Oui. Non, parce qu'il descend. Ça coule. Thaniyan, nazara ila a'la fa shahada as-suhuba fi as-sama. Il a vu, il a regardé en haut, il a vu, il a constaté que les nuages dans le ciel. Il y a des mots que je connais pas. Nuage. Je sais pas. Hamla, ça veut dire quoi? C'est pas ça en tout cas. Non, c'est pas ça. Hamla, c'est une transport. C'est comme dans le texte. Ouais, je m'en rappelle plus. C'est où? Début du texte. Début d'âge. T'as jamais un. تتجمع. نعم. ثالثا تنزل الأمطار في مياه الأنهار. Que les pluies descendent et les eaux du fleuve. تسيل. تسيل. الكل. سرعة مياه النهار تجعله يستطيع كل ما في طريقه. La vitesse des eaux du fleuve font en sorte qu'il soit en mesure de tout ce qui est sur son passage. حملة. حملة transporter rapportée. خامسا الهديان عندما تنزل الأمطار. Les vallées lorsque la pluie tombe. تفيد. تفيد. C'est la phrase déjà. Verset. Alors en fait les eaux débordent dans les هديان. المياه من المرتفع إلى المنخفض. Des hauteurs vers les descentes. Tajri. Bon, les creux, on va dire. Enfin, c'est pas ça, comment les bassins. Un bassin, mon khafid. Les moutafia, c'est les hauteurs. C'est quoi le contraire en, comment dire, en géographie? Les creux, les bassins. Donc, c'est ça. Ah, enfin, c'est ça le sens en tout cas. Non. Tu dis quoi? Tajri. Tajri, non. Les... Une vallée, bah, une vallée, c'est une vallée. Quoi? Là, une vallée peut être dans un lieu élevé. Là, il y a toute une partie de la terre qui est basse. Ça s'appelle les bassins, je crois. C'est des restes comme ça dans la mémoire de la géographie. Ça s'appelle un bassin, je crois. Quand tu creuses comme ça et tout, tu me rappelles, c'est les bassins. Je me rappelle, on va l'appeler quoi? Le bassin méditerranéen. Je me rappelle de ce mot-là. Ah, moi aussi, je me rappelle à la météo. Ah, tu vois que t'as appris. Tu vois que t'as appris. Ouais, c'est sûr que j'ai trouvé. On va faire le rabia. Compléter les phrases de alif avec les phrases de b. Comment le rabia? De bas plutôt. Rabia. Tahmilu mayen anhar. Que les transportent les eaux du fleuve. Tanzilu l'amtar. Les pluies descendent. Safara sadiqi fi safinatin min manba. Que mon ami a voyagé sur un bateau. D'une source. J'ai pas compris là. De la source de. Ouais, je crois que c'est Amoudof, et Amoudof est lui qui va derrière. Non, ouais, j'ai compris, c'est bon. Rabi'an, fawa'idul anhar azima. Les avantages du fleuve sont immenses. Khamisa tatajamma'u as-suhub. Les nuages se rassemblent. Ça c'est alif. Thumma ba, qal, fissama. Thumma fatasilu al-adwiya. Après les vallées s'écoulent. L'insani ou l'hayouan ou l'nabat pour l'homme, pour les animaux et pour les plantes. Un nahar les masabihi du fleuve vers son là où il se jette. Kullama fi tariqiha min nabatin ou ahjar. Tout ce qui est son passage comme plante et comme végétation. Tfadhal. Ok, alors le premier. Tahmilu maya ou l'anhar. Avec kullama fi tariqatiha. Tariqiha. Tariqiha min nabat. Ahsant. تنزل الأمطار. تنزل الأمطار. فتسيل الأودية. نعم. Quand je dis adouya, souvent je me trompe. Adouya c'est médicament. Même le Coran, je me rappelle, j'étais pas fait l'erreur au début, dans le verset. Ça, je rigolais. C'est pas adouya, c'est audia. Adouya c'est médicament. Audia c'est tout. Là, quand j'ai lu, j'ai dit adouya, j'ai pas voulu faire attention. C'est Audia. Safara sadiqi fi safinatin min manba. Nahar il est masiba. Masabihi. Wa alaykum salam. Fi al-majid yusami' ala. Eh malh wala. Ha? Malh. Ma adri. Ah, ربما موجود. Ma adri, ma adri. Ana huwa yatwakha. Tatajamma'u as-suhub. عفوا فوائد الانهار عظيمه عظيمه للانسان والحيوان والنبات نعم لا خلف لا هذا تتجمع السحب في السماء نعم ثم السادس في البيت رتب الجمل متجو لفظه فقد كان الحر في ذلك اليوم شديدة que la chaleur était intense ce jour-là. وبدا يتجمع بعضها فوق بعض. فمية سرقمل les uns au-dessus des autres. فكونت سحابة كبيرة. Elle a formé un grand nuage. تغير لونها. Sa couleur a changé. ثم نزلت منها أمطار كثيرة. Puis on est descendu beaucoup de pluie. ظهرت في السماء سحب صغيرة بيضاء. Que dans le ciel sont apparus des petits nuages blancs. Et je vais te faire le famine, c'est un nouveau truc. Yakul. Istamil kul kelimatin kelimat talia, fi jumlatin mufida, bi haythu takun marratan fil awwal al jumla, marratan fil wasatia, wa marratan fil akhira. Ah, ok. Là, donc là, les mots là, tu as quatre mots, tu vas faire des phrases avec. Alors, première phrase, le mot au début de phrase. Deuxième phrase, le mot au milieu de phrase. Troisième phrase, le mot en fin de phrase. Attends, mais c'est pas tous les mots, je fais ça. Si, chaque mot, tu as droit à trois phrases. Si tu veux faire plusieurs phrases ou en tout cas, il faut que chacun des mots le trouve. Ah, ok. Voyez, Es-Suhub, les nuages, Al-Wadi, la vallée, Al-Nahr, le fleuve, Es-Sama, le ciel. Dans une phrase, il faut que tu aies Sama en début, Al-Nahr en début, Al-Wadi en début, Sahab en début. Et pareil, après, milieu, fin. Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum, Afoum,